Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. C'est une affaire qui a de fâcheux précédents. En 1931, l'armée japonaise simule une attaque de voie ferrée à Mukden pour envahir la totalité de la Mandchourie. De même, en 1939, les nazis prétexteront un faux coup de main contre leur poste frontière de Gliwice pour entrer en Pologne. Eh bien, l'incident du golfe du Tonkin semble obéir à la même logique. En 1964, une attaque imaginaire contre un bâtiment de guerre américain permettra au président Lyndon Johnson d'ordonner des bombardements massifs sur le Nord-Vietnam et donc de déclencher réellement la guerre du Vietnam qui ne se terminera que 10 ans plus tard après d'innombrables catastrophes humanitaires. 50 ans plus tard, et alors qu'une partie de la vérité sur cette affaire n'a surgi que très récemment, M. X s'interroge. Les Américains ont-ils fabriqué de toutes pièces cette attaque contre un de leurs navires, ou bien se sont-ils simplement servis de ce faux incident pour frapper au plus vite un pays qu'ils envisageaient de bombarder depuis plusieurs mois? Mais, quelle que soit la réponse, il reste qu'un mensonge d'État est à l'origine de l'incident du golfe du Tonkin et qu'il est resté longtemps enfoui dans les archives de la trop célèbre NSA, cette agence de renseignement dont le lanceur d'alerte Edward Snowden vient de révéler l'étendue de son réseau mondial d'espionnage électronique. Vietnam, Vietnam, everybody's crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam, everybody's crying. Nobody seems to give a damn. Oh God, if you can hear my prayer, please help my brothers down in Vietnam. Poor boys fighting and hiding in them holes. Maybe killing their brothers, they don't know. Mr. President, you always talk about peace, but you must clean up your house before you leave. You always crying, crying about peace, but you must clean up your house before you leave. Can you tell the world they need peace when you're still killing and mistreating me? L'incident du golfe du Tonkin, comme on l'appelle généralement, a eu lieu au début du mois d'août 1964, alors qu'à cette date, les États-Unis n'ont envoyé tout au plus que 20 000 soldats et conseillers militaires américains au Vietnam. Au sud Vietnam. Bien sûr. Mais 4 ans plus tard, ils seront plus de 500 000. Et c'est une véritable guerre qu'ils ont engagée contre le Viet Cong et son allié nord-vietnamien. Et le déclencheur, alors, c'est donc cet incident du golfe du Tonkin. Incontestablement. À partir de ce moment, le conflit va gagner chaque année en intensité et concerner toute la péninsule indochinoise. D'où l'intérêt de revenir sur le détail de cet incident. Et bien sûr, sur tout ce qui l'a précédé. Un mot d'abord sur le contexte. Au Vietnam, vous le savez, dès que les Français sont partis, les Américains les ont remplacés. Oui, parfois ils les ont même poussés un peu vers la sortie. La peur de Washington, c'est qu'à la suite des accords de Genève de 1954, les Vietnamiens communistes du Nord ne finissent pas par s'imposer au Sud. Par conséquent, très vite, les Américains envoient des conseillers militaires au Sud, où dès 1956, on voit apparaître les premiers maquis du Viet Cong. Dont les membres sont des rebelles soutenus par le Nord. C'est évident. Notons au passage que cette appellation Viet Cong n'est utilisée que par ses ennemis. En réalité, le Viet Cong, c'est le Front de Libération Nationale du Sud-Vietnam. Enfin, je vais vite. Fin 1960, le conflit s'amplifie. Oui, c'est-à-dire que les rebelles montent en puissance. John Fitzgerald Kennedy, qui vient d'être élu, n'a guère envie d'engager les troupes terrestres sur le continent asiatique. Toutefois, il ne renonce pas à lutter contre l'influence communiste dans le monde. Mais il préfère une réponse flexible selon les situations. Et dans le cas du Vietnam, Il privilégie les opérations clandestines. Et vous le savez sans doute, les Américains ont là-bas un as, un spécialiste. Ah oui, Edward Lonsdale, l'homme qui a servi de modèle à Graham Greene pour le personnage d'un Américain bien tranquille. C'est ça. Oui. Et c'est naturellement un agent de la CIA, en tout cas. Même s'il ne veut pas engager de troupes, il est certain que Kennedy est décidé à aider le Sud-Vietnam. Mais la difficulté, c'est que le gouvernement dirigé par le très autoritaire et très catholique Ngo Dinh Diem est très impopulaire. Pourtant, les Américains considèrent encore qu'il est le seul Vietnamien capable de faire face au communisme. Ouais, ça changera. Effectivement, puisqu'ils finiront par l'éliminer. Après un putsch, où il sera assassiné. Exactement, en 1963. Et je crois vous l'avoir raconté autrefois, la responsabilité américaine est évidente. Et JFK sera lui-même assassiné peu de temps après. Oui. En attendant, Washington élabore une stratégie contre-révolutionnaire avec la création d'un corps de troupes, les fameux bérets verts, qui sont en quelque sorte le bras armé de la CIA. En même temps, le programme d'action pour le Vietnam est mis en place. Passe le détail, mais il s'agit surtout de la création d'un corps d'autodéfense au niveau des villages. Oui, c'est ce qu'on a appelé les hameaux stratégiques. Oui, et qui consiste à regrouper les villageois. Et bien sûr, la CIA entreprend un certain nombre d'actions clandestines. Alors, par conséquent, le nombre de militaires américains, ça croît ? Fin 62, ils sont déjà plus de 11 000. Mais ces efforts n'empêchent pas l'armée sud-vietnamienne de subir une lourde défaite au début de l'année 1963 face à des combattants Viet Cong, mieux instruits et plus motivés. Et un peu plus tard, on observe une nouvelle attaque contre un poste gouvernemental sans que l'armée sudiste ne réagisse. Résultat, les services de renseignement états-uniens jugent la situation très préoccupante. Et Diem lui-même ? Il supporte de plus en plus mal les conseillers américains qui l'accusent même de faire régner un climat colonialiste. Puis la situation se dégrade encore avec l'entrée en jeu des bouddhistes dans le mouvement de contestation anti-Diem. Il y aura même une manifestation, je crois, brutalement réprimée. Plusieurs personnes y perdront la vie, oui. Et ensuite, début juin 63, on assiste à la première immolation d'un bronze. Oui, filmée par un journaliste américain. Et la diffusion de ces images atroces provoquera un vrai choc. À tel point que les autorités américaines demanderont à Diem d'assouplir son régime. Mais ce dernier n'obtempère pas. Et il doit affronter une opposition de plus en plus virulente. Et qui se manifeste même sournoisement au sein de son propre camp. C'est-à-dire dans l'armée. Oui, et ce sont les généraux qui finiront par faire tomber Diem au début du mois de novembre. Mais ils ne vont pas tarder à se déchirer. Au cours des 18 mois suivants, le Sud-Vietnam va connaître 10 gouvernements différents et même un deuxième putsch dès janvier 1964. Aux États-Unis, alors, après l'assassinat de Kennedy, c'est Johnson, son vice-président, qui occupe désormais la Maison-Blanche. Qu'est-ce que ça change ? L'une de ses premières décisions consiste à annuler une mesure de retrait partiel des soldats américains présents au Vietnam. Au contraire, il décide d'y envoyer plus de GIs. Il n'empêche qu'historiquement, c'est quand même Kennedy qui a accru l'importance du contingent américain présent là-bas. C'est parfaitement vrai. Mais rien ne prouve qu'il aurait effectivement procédé à ce retrait s'il était resté en vie, quoi qu'il en soit. Le président Johnson a choisi la fermeté. En mai 1964, il ordonnera, par exemple, des bombardements au Laos pour tenter de couper la célèbre piste Ho Chi Minh. Cette piste qui permet aux Nord-Vietnamiens d'approvisionner en armes leurs cousins du Viet Cong. Mais et surtout, Lyndon Johnson donne son feu vert à la mise en place d'un plan secret, l'opération 34A. De quoi s'agit-il ? Bon, d'abord, son objectif. Il fallait obliger Hanoï à lâcher le Viet Cong. Mais aussi le Pathet Lao, c'est-à-dire le mouvement communiste qui existait au Laos. Alors, concrètement, quel était le contenu de ce plan secret ? Il y a d'abord eu, si j'ose dire, la mobilisation des satellites espions qui couvraient la région, afin d'obtenir le maximum de renseignements. En même temps, des commandos de saboteurs sont parachutés sur le territoire nord-vietnamien. Et j'imagine que les membres de ces groupes sont constitués de gens recrutés au sud. Mais formés et entraînés par des Américains. D'autres commandos sont débarqués sur les côtes nordistes. Leur mission consiste par exemple à faire sauter les ponts stratégiques ou encore des réserves de carburant. Autant de cibles désignées grâce aux observations satellitaires. Mais déjà, l'état-major américain a dressé la liste d'une centaine d'autres objectifs qui seront bombardés dès que ce sera possible. C'est-à-dire ? Avant de pouvoir mener de telles opérations de guerre contre un pays étranger, le président devait obtenir l'accord du Congrès. Encore que parfois les présidents se sont abstenus de disposer de telles autorisations. Ou ont laissé faire leurs généraux, comme nous l'avons vu lorsque nous avons évoqué la guerre de Corée. Donc c'est vrai, la Maison-Blanche n'a pas toujours été très légaliste. Mais en l'occurrence, il s'agissait d'opérer une très intense campagne de bombardements. Et des bombardements qui n'auraient donc pas pu passer inaperçus. C'est ce que je voulais dire. Ouais. En tout cas, si j'ai bien compris, là, ces bombardements sur le Nord-Vietnam sont donc programmés au cours de ce premier semestre de 1964. Absolument. Mais pour passer à l'action, Johnson a besoin d'un prétexte qui lui permettrait d'obtenir le feu vert du Congrès. Ouais. Et ce sera alors cet incident du golfe du Tonkin ? Et nous allons précisément décrypter ce qui s'est passé. Mais auparavant, et ça rejoint ce que vous disiez vous-même sur ces présidents qui n'en ont pas toujours référé au Congrès, des opérations de bombardement avaient déjà été effectuées. Quoi, sur le Nord-Vietnam ? Exactement. Des chasseurs bombardiers T-28 basés au Laos pilonnaient régulièrement des objectifs nord-vietnamiens et recevaient l'aide électronique de bâtiments comme l'USS Maddox qui sera impliqué dans l'affaire de l'incident du golfe du Tonkin. Mais ces opérations étaient maquillées. Maquillées, que voulez-vous dire là ? Les avions étaient pilotés par des Thaïlandais, mais ceux-ci agissaient sous le commandement d'officiers de la CIA. Alors oui, en cas de pépin, les Américains n'étaient pas officiellement engagés. C'est pourquoi je vous parlais de maquillage. Et dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, il y aura encore beaucoup d'autres maquillages. Kennedy est-il le président qui a engagé son pays dans la guerre du Vietnam ? Et Johnson n'a-t-il fait que continuer ce qui était déjà enclenché ? Ou bien a-t-il été le président de la guerre du Vietnam ? Dans un livre récent, « Guerre du Vietnam, la faute à Kennedy », Laurent Péricone livre une analyse très pertinente, extrait. Le point commun entre Kennedy et Johnson, le lien qui unit ces deux mandats présidentiels, c'est bien sûr la présence des mêmes conseillers. Tous les acteurs de l'époque JFK restent en fonction. Or, Johnson n'a pas la même assurance que Kennedy en politique étrangère. Les Rusk, McNamara, Bundy, qui permettent l'escalade militaire au Vietnam sous l'administration de Johnson, étaient déjà en place sous son prédécesseur. Durant les 1000 jours de sa présidence, Kennedy a su s'émanciper de leurs conseils. Lui, qui avait consacré beaucoup d'énergie à recruter au début de son mandat les esprits les plus brillants de son époque, a dû déchanter. Johnson n'a pas le caractère d'un Kennedy. Ses décisions reposent beaucoup sur la force de conviction de ses conseillers, ses brillants économistes et diplômés d'Harvard. Ces derniers ont été particulièrement bridés sous Kennedy dans leur volonté de fermeté avec l'URSS, comme dans leur volonté d'en découdre sur le terrain au Vietnam. Rusk, Bundy et McNamara vont enfin pouvoir agir pour contrer l'expansion du communisme. Il ne fait aucun doute que la guerre du Vietnam aurait commencé 3 ans plus tôt si JFK avait suivi les avis de ses conseillers de Washington. Que cherchait réellement le président Johnson en mettant en œuvre ce plan 34A au cours du premier semestre 1964 ? Le but final recherché, je vous l'ai dit, c'est d'aboutir à une autorisation du Congrès d'user de la force en Asie du Sud-Est. Donc pas seulement au Vietnam, hein ? Non, le Laos et le Cambodge sont aussi visés. Bien sûr, à Washington, on sait parfaitement que les attaques conduites dans le cadre du plan 34A ne sont que des piqueurs d'épingles. Contre le Nord-Vietnam. Mais les Américains espèrent secrètement que tôt ou tard, l'un de ces coups d'épingle entraînera une vive réaction de Hanoï. Et donc l'escalade ? Oui, toutefois politiquement, c'est très risqué. Pourquoi alors ? Parce qu'aux États-Unis, l'opinion publique n'est pas du tout prête à approuver un conflit élargi au Vietnam. Bien au contraire. Ah oui, alors pour la convaincre, il faut donc qu'intervienne un événement d'importance. Effectivement. Et d'autre part, il faut la persuader que la perte du Vietnam entraînerait celle d'autres pays qui pourraient basculer dans le communisme. Ouais. Oui, ça c'est la fameuse théorie des dominos qui tombent les uns après les autres. Et Johnson, lui, y croit. Il est d'ailleurs intéressant d'observer qu'il y a débat aux États-Unis sur ce point, au moins au sommet de l'État. Expliquez. Lyndon Johnson a bien entendu consulté la CIA sur la pertinence de cette théorie des dominos. Réponse ? Le directeur de la CIA, John McCone, est péremptoire. Il ne pense pas que la perte du Vietnam, du Sud et du Laos entraînera une contamination communiste dans les autres pays de l'Est asiatique. Oui, mais cela suffit-il à convaincre Johnson ? Ah, pas du tout. Et d'autant moins que le président américain prend peu à peu ses distances avec McCone, qui, au contraire de ses autres conseillers, a une fâcheuse tendance au pessimisme. Quoi, sur la situation militaire au Vietnam ? Oui, conséquence, Johnson ne le reçoit plus et l'écoute encore moins. Ajoutez à cela que le président ne se passionne guère pour les questions de politique étrangère, et vous comprendrez qu'il n'accorde pas d'intérêt aux avis du directeur de la CIA. Oui, mais justement, s'il ne s'intéresse pas là aux questions extérieures, pourquoi conduit-il cette politique agressive au Vietnam ? Parce qu'il pense à l'élection présidentielle de la fin 64. Face à lui, il y aura un dur, un républicain partisan de la manière forte, le sénateur Goldwater. Oui, un extrémiste d'ailleurs. Il faut donc qu'il montre ses muscles. C'est à peu près ça. J'ajoute, avant d'en venir à proprement dit à l'incident du golfe du Tonkin, que les Américains ont parallèlement au plan 34A mis en place un dispositif d'écoute, l'opération des autos. Et encore un nom de code. C'est la marine qui est chargée de ce programme. Un gros fourgon noir truffé d'antennes et d'appareils électroniques est installé sur le pont d'un destroyer. Il permet de capter tous les échanges radio émis depuis le continent. Ces données sont ensuite décryptées par les hommes de la NSA présents à bord. Et si j'insiste sur ce point, c'est que, vous allez le constater, les écoutes vont jouer un rôle considérable dans notre affaire. Comment ça commence ? Une constatation d'abord. En juillet 64, le Pentagone et la CIA doivent conclure que les attaques conduites dans le cadre du plan 34A n'ont guère donné de résultats. C'est-à-dire que les Nord-Vietnamiens ne sont pas tombés dans le panneau. Et ces coups d'épingle n'ont donné lieu à aucune escalade. Les Américains décident alors de passer à la vitesse supérieure en augmentant non seulement le nombre des raids terrestres, mais en agissant aussi en mer. Ainsi, au cours de la dernière nuit de juillet, puis encore lors de celle du 1er août 64, des vedettes rapides bombardent deux îles au large de la côte nord-vietnamienne. Et ces vedettes Elles sont apparemment sud-vietnamiennes. Mais ça ne trompe personne. L'initiative des attaques est américaine. Simultanément, un destroyer, l'USS Maddox, capitaine John Eric, pénètre dans le golfe du Tonkin. Ce bâtiment de guerre, dans le cadre du programme de Soto, mène une mission ultra-secrète d'enregistrement des signaux radio et radars nord-vietnamiens. Oui, grâce à ce fourgon noir là, dont vous avez parlé. Oui, son commandant a reçu l'ordre d'enregistrer les réactions des autorités du Nord-Vietnam au raid des commandos. Et pour remplir cette mission, l'USS Maddox s'approche à 8000 nautiques de la côte et des îles côtières, alors que Hanoï a fixé la limite internationale de ses eaux à 12000 nautiques. Une limite que les États-Unis ne reconnaissent pas. Ah ouais, donc du point de vue des Nord-Vietnamiens, le bâtiment américain est en faute. Et ça vient après les attaques sur les îles. À Hanoï, on s'apprête par conséquent à riposter. Ah, sous quelle forme ? Des vedettes lance-torpilles sont envoyées au large des îles attaquées. Et c'est ainsi que les marins nord-vietnamiens repèrent l'USS Maddox dans l'après-midi du 2 août. Le navire de guerre américain est aussitôt pris en chasse. Et se trouve-t-il toujours dans les eaux territoriales de Hanoï ? Non, il s'est repositionné dans les eaux internationales, ce qui n'empêche pas les vedettes nord-vietnamiennes de s'approcher. Et d'attaquer ? Le commandant américain peut légitimement le penser. Donc, il demande au chef de la 7e flotte l'autorisation d'ouvrir le feu. Ah oui, on va donc assister à un combat naval. Mais fortement disproportionné, étant donné la puissance de feu de l'US Maddox, le destroyer américain ne sera touché que par une seule balle de mitrailleuse, tandis qu'en face, deux bateaux nord-vietnamiens sont endommagés et quatre marins tués. Faut aussi ajouter qu'à la suite du message du commandant Eric, un autre destroyer, l'USS Turner Joy, est arrivé en renfort. Et quatre chasseurs à réaction d'un porte-avions sur zone ont décollé et participent à l'attaque contre les vedettes nord-vietnamiennes. Alors, d'après votre récit, l'initiative de l'attaque n'est pas clairement établie. Hein. C'est vrai. Mais pour les Américains, il n'y a aucun doute. Les vedettes ennemies ont été à l'origine du combat, en témoigne cette balle de mitrailleuse. Oui, ça me paraît quand même assez discutable. Enfin, peu importe. À Washington, le président Johnson prend les choses au sérieux. Pour lui, l'USS Maddox a été injustement attaqué alors qu'il se trouvait dans les eaux internationales. Ordre est aussitôt donné à son commandant de poursuivre sa mission dans le golfe du Tonkin. Et il sera escorté par ce second destroyer, l'USS Turner Joy. Parallèlement, le département d'État envoie à Hanoï une note d'avertissement. Toute nouvelle action militaire gratuite entraînerait de graves conséquences. Oui, pour autant, Johnson ne tient pas encore le prétexte dont il a besoin. Hein. Oui, mais il ne désespère pas d'arriver à ses fins. Car les plans 34A et 2 autos demeurent plus que jamais d'actualité. Les provocations vont donc continuer. Évidemment. Le 3 août, de nouveaux raids sont lancés sur des cibles côtières du Tonkin. Une station radar à Vinson et un poste de garde à l'embouchure de la rivière Ron sont visés. Et à bord de l'USS Maddox, là, on est toujours chargé de capter les réactions nord-vietnamiennes. Ils sont d'ailleurs et forcément informés de la réalité de ces raids. Arrive la nuit. Alors, la nuit, celle du 3 au 4 août, donc. Oui, une tempête s'est levée sur le golfe du Tonkin et la visibilité est médiocre. Soudain, les commandants des deux destroyers américains, les patrons de la 7e flotte et bien sûr le Pentagone, reçoivent une alerte urgente. Et de quelle origine ? Elle provient d'opérateurs qui espionnent depuis la Terre les communications nord-vietnamiennes. Ce message d'alerte indique que les vedettes lance-torpilles qui ont attaqué le 2 août sont de retour. Immédiatement, c'est le branle-bas de combat à bord des deux destroyers. Et même, étant donné le manque de visibilité, c'est une réelle panique qui s'empare des marins américains. Et à 22h, les deux destroyers envoient un message flash pour indiquer qu'ils sont effectivement attaqués. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. On va voir comment le faux incident du golfe du Tonkin a été exploité par l'administration de Johnson. Auparavant, il faut savoir que l'enchaînement dramatique avait été prémédité. C'est ce que l'on lit dans le livre de référence sur la guerre du Vietnam écrit par John Prados. À Washington, de hauts responsables commencèrent à travailler sur ce qu'ils appelaient le scénario, un projet spécifique conçu pour aboutir à une autorisation par le Congrès de l'usage de la force en Asie du Sud-Est, le type d'approbation qu'Eisenhower n'avait pu obtenir à l'époque de Dien Bien Phu. Ils préparèrent un texte. Une commission interservice entreprit de coordonner tous les aspects de ce déploiement d'activité. En juin 1964, l'administration démocrate s'organisa pour qu'un diplomate canadien, rattaché à la commission de contrôle international, aille à Hanoï, menacer les dirigeants nord-vietnamiens en agitant le spectre d'une action militaire plus vigoureuse si la République démocratique du Vietnam n'abandonnait pas le Front national de libération. Le premier ministre, Pham Van Dong, refusa de céder d'un pouce, avertissant que Hanoï l'emporterait et que si les États-Unis poussaient à la guerre vers le nord, le peuple résisterait. La conviction des marins américains sur la réalité d'une attaque nord-vietnamienne semble confirmée par les radars et sonars des deux destroyers. Sur les écrans, on aperçut des taches fantômes dans la nuit qui pouvaient très bien correspondre à la présence de bateaux. Une réaction à bord, alors? Les commandants donnent l'ordre de tirer. Mais contre quoi? Les canons tirent approximativement vers les positions où se trouveraient ces fenêtres ennemies. Donc, sans réelle certitude. Exactement. J'interromps un instant, monsieur. Voici ce que l'on peut lire dans un rapport de la NSA déclassifié en 2005 sur ces tirs. Les destroyers tournoyèrent follement dans les eaux sombres du golfe du Tonkin. L'USS Turner Joy tirant plus de 300 salves au hasard. Et plus loin, on lit encore, c'était en pivotant à toute vitesse dans l'eau que les navires de guerre provoquaient toutes les images radar de nouvelles torpilles. Le capitaine de l'USS Turner Joy a même cru voir de la fumée qu'il a interprétée comme provenant d'un bateau ennemi en feu. Cependant, son confrère de l'US Maddox a été plus prudent dans son rapport d'opération. Il a même souligné qu'hormis le contact radar initial, il s'interrogeait sur la réalité des événements. Bref, il doutait. Tout à fait. Mais à Washington, on avait bien évidemment une autre lecture. On était sûr que les bâtiments américains avaient été attaqués. Attendez, on était sûr ou on avait envie de le croire? Ça, c'est autre chose. Après ce que je vous ai dit pour la Maison-Blanche, c'était trop beau. Ouais, quitte à donner un petit coup de pouce à la vérité. Bien entendu. Johnson tenait enfin le prétexte qu'il attendait avec tant d'impatience. Et Washington n'a nullement tenu compte des dénégations de Hanoï. D'autant que les Américains pensaient disposer d'une preuve en or. Ah bon, quoi? Les opérateurs de la NSA avaient intercepté un message nord-vietnamien qui disait à peu près ceci. « Avons sacrifié deux navires, tout le reste est OK. » Les deux navires étant les deux vedettes lance-torpilles qui avaient été endommagées? Oui, mais problème, en réalité, ce message s'est avéré mal traduit. Il fallait comprendre « Avons sacrifié deux camarades, mais tous ». Sont des braves. C'est pas tout à fait pareil. Et surtout, le message faisait allusion au premier accrochage. C'est-à-dire celui du 2 août. Et pas au prétendu combat de la nuit du 3 au 4. Mais à la NSA, on s'est bien gardé de rectifier cette double erreur d'importance. Au contraire, les agents de l'agence ont participé à la création d'une nouvelle chronologie des événements. Et c'est devenu la vérité officielle sur l'incident du golfe du Tonkin, et ce, jusqu'au début des années 2000. Ouais. Mais attendez, les gens de la NSA ont pris seuls cette décision ou ça leur a été demandé? Vous voulez dire qu'ils auraient pu obéir à un ordre venu de plus haut? De la Maison-Blanche même. Écoutez, je ne sais pas. Mais aux États-Unis, toute la communauté du renseignement savait que le pouvoir attendait un prétexte pour pouvoir agir contre le Nord-Vietnam. Donc, à la direction de la NSA, on a très bien pu aller au-devant des désirs du président Johnson. Oui, ça, c'est en effet crédible. Mais on peut aussi imaginer une autre possibilité. Dans la nuit du 3 au 4 août, il est alors 10 heures du matin à Washington. La Maison-Blanche est informée des événements du golfe du Tonkin. Et à ce moment-là, les marins croient sincèrement avoir été attaqués. Hein. Oui, Johnson a déjà en tête la suite. La convocation du Congrès et la demande d'autorisation des bombardements sur le Nord-Vietnam. Le texte de la résolution a même été déjà écrit. Et quand un peu plus tard, les chefs de la NSA lui apprennent la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune attaque, bon, il n'est pas question pour lui de revenir en arrière. Et pour ficeler l'affaire, les agents de la NSA se livrent à cette manipulation des messages et de la chronologie. Si ça se trouve, ils n'ont peut-être même pas reçu un ordre de Johnson, mais ils ont compris que l'intérêt de leur pays était de faire croire à la réalité de l'incident. Bon, en tout cas, ça va très vite. À raconter. Dès le 6 août à Washington, les commissions parlementaires sont invitées à débattre de la demande par l'administration d'une résolution pour l'Asie du Sud-Est. Le secrétaire à la Défense, McNamara, le secrétaire d'État, Rusk, et le chef d'état-major interarmes, Wheeler, déposent et mentent avec une belle unanimité. Ils nient en particulier que la marine états-unienne ait joué un rôle dans les actions conduites contre le Nord-Vietnam. Oui, ils mettent ces provocations sur le dos des seuls sud-vietnamiens. Ah bah c'est évident. Le lendemain, 7 août, les deux chambres votent massivement en faveur de la résolution. La Chambre des représentants adopte même le texte à l'unanimité. Johnson est donc autorisé à étendre le conflit. La résolution désormais connue comme la résolution du golfe du Tonkin préconise l'emploi de toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi des forces armées, pour empêcher de nouvelles agressions nord-vietnamiennes. Mieux, ou pire, comme vous voudrez, cette résolution autorise le président Lyndon Johnson à assister toute nation du sud-est asiatique dont le gouvernement serait considéré comme étant menacé par une agression communiste. Mmh. Concrètement, le président américain pouvait donc entrer en guerre contre le Nord-Vietnam. Et il lui était permis de déployer les forces conventionnelles militaires américaines au sud-Vietnam. Et surtout, il pouvait commencer à bombarder massivement le Nord. Et ça n'a pas traîné. Dès l'adoption de la résolution, 64 chasseurs bombardiers ont décollé des porte-avions américains. Hmm. La guerre du Vietnam commençait réellement. Mais si Johnson a rapidement convaincu les congressistes, a-t-il pour autant retourné une opinion publique qui, m'avez-vous dit, était plutôt hostile? Les premiers sondages d'opinion effectués après le début des bombardements ont indiqué que les Américains approuvaient à 85% les représailles ordonnées par Johnson. Ouais, c'est un succès politique. Hein. Ouais, que n'est pas parvenu à gâcher le milieu d'opposants rassemblés devant la Maison-Blanche pour commémorer le bombardement d'Hiroshima. On a lu aussi, sur quelques pancartes, les troupes des États-Unis seraient plus utiles au Mississippi qu'au Vietnam. Pourquoi le Mississippi? Parce qu'il venait de s'y dérouler un très grave événement. Trois membres d'une organisation de défense des droits civiques y avaient été assassinés par des racistes blancs. En tout cas, Lyndon Johnson n'a pas tardé à engranger le gain politique de sa décision. En novembre 1964, il a été largement élu président des États-Unis. Oui, lui qui était arrivé à la Maison-Blanche sans avoir été élu. Hein. Dès lors, sous son mandat, les effectifs militaires américains présents au Vietnam ne vont plus cesser de croître. Fin 68, il se trouvera plus de 530 000 GIS au Sud-Vietnam. Et quand alors commencera-t-on à remettre en cause la réalité de l'incident du golfe du Tonkin? Le premier qui émet des doutes sérieux est Daniel Ellsberg. Ah oui, c'est l'homme des Pentagon Papers. Oui, alors un petit rappel. C'est en juin 1971 que le New York Times débute la publication de ses Pentagon Papers. Il s'agit, vous le savez, d'une étude du Pentagone, donc de l'armée américaine, qui, en se basant sur les archives, retrace trois décennies d'engagement états-unien en Vietnam. Un document qui met en cause la politique de Kennedy et Johnson dans la conduite de la guerre, car ils avaient souvent fait le contraire de ce qu'ils avaient annoncé à la nation. Mmh. Mais il faut dire tout de suite que cette étude-là ne devait pas être rendue publique. Hein. Bien sûr. Cependant, le psychiatre Daniel Ellsberg, expert de la Rand Corporation et faucon repenti, en a eu communication et il a décidé de la publier. À la grande fureur de Richard Nixon qui a tenté en vain d'en appeler à la Cour suprême pour arrêter la publication. Pourtant, dans ces Pentagon Papers, là, Nixon n'était pas directement concerné. Certes, mais depuis qu'il était président, il avait suffisamment commis de coups tordus pour craindre d'être à son tour mis en cause. En tout cas, pour revenir à ce que je vous disais, Ellsberg a donc étudié de très près les documents se rattachant au fameux incident du golfe du Tonkin. Et le premier, il a douté de l'existence même de cet incident. Et pourquoi ? Ben, il a été en particulier étonné par le fait que l'engagement s'était apparemment prolongé plus de 2 heures. C'était inhabituel. En règle générale, ce genre de bataille navale se déroule très rapidement. Et puis, il a eu en main la dépêche de Capitaine Herry, qui remettait en cause l'authenticité même de tout l'événement. Et il me semble me souvenir qu'Ellsberg a payé assez cher ces révélations. Hein. Ah oui, son appartement de Los Angeles a été cambriolé par ces mêmes plombiers qui se rendront un peu trop célèbres lors de l'affaire de Watergate. Mais surtout, une campagne de dénigrement a été orchestrée contre lui. Et par qui ? Bah, par ce cher Edgar Hoover, qui a tenté de le faire passer pour un pervers, mais enfin passons. Après Ellsberg, il faudra attendre 30 ans pour que la vérité émerge sur l'incident du golfe du Tonkin. Et cette vérité viendra d'un endroit où on ne l'attendait pas vraiment. Mais d'où alors ? De la NSA. En 2001, dans une revue interne de la NSA, l'un des historiens de l'agence, Robert Hanyok, affirme que la seconde attaque nord-vietnamienne du 4 août 64 n'a jamais existé et que les rapports de la NSA de l'époque ont été falsifiés pour prétendre le contraire. Il établit même qu'il n'y avait aucun navire nord-vietnamien présent sur les lieux lors de ce second incident. Ouais, ça, c'est le pavé dans la mare. Il s'agissait donc d'une mystification destinée à permettre à Johnson d'attaquer le Nord-Vietnam. Ouais, mais cet article a paru, je vous l'ai dit, dans une revue interne de la NSA. Ah là, il n'a pas été rendu public. Hein. Il restera encore 4 ans dans les fonds de tiroir de la NSA suite à un ordre supérieur. Mais en 2005, le New York Times en aura vent. Et finalement, la NSA se résoudra à déclassifier les rapports falsifiés de la NSA sur l'incident du Tonkin. Et le poteau rose sera découvert. Oui, mais enfin, ça ne servira pas de leçon aux dirigeants américains. Et surtout pas à George Bush, qui lui aussi mentira pour légitimer sa décision d'envahir l'Irak. Quelques livres pour terminer de John Prados, La guerre du Vietnam, de Frank Daninos, Celia, une histoire politique, de Tom Weiner, Des cendres en héritage, une histoire de la CIA, et enfin du cinéaste Oliver Stone et de Peter Kuznick, Les crimes cachés des présidents, une autre histoire de l'Amérique.